Dimanche 3 janvier, mes voeux 2021. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à l'écoute de cette édition. L'Université du Burundi fait face à un manque de locaux et 4 salles sont en train d'être construites au campus Nyamugerera, précise le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique en province Muyinga. Des agents enquêteurs sur des caféiers réclament de l'Istebou leur rémunération d'octobre 2019 à février 2020. Vous aurez également la chronique nutrition sur les fruits et légumes verts en international. En second tour des présidentielles est prévu le 20 février prochain après les élections du 27 décembre. C'est au Niger. Vous aurez les détails dans cette édition mise en onde par Elie Kadog. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. En page éducation, le manque de locaux à l'Université du Burundi est l'un des problèmes évoqués dans une réunion entre les différents responsables de cette université, le ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Gaspard Banyankimbona, ministre de l'Éducation, précise qu'actuellement, il est prévu seulement la construction de 4 salles à Nyamugerera. C'était à l'occasion de la visite que le ministre a effectué à l'Université du Burundi au cours de cette semaine. Le point avec Ornella Mucho. Il faudrait multiplier les efforts dans le cadre de... Les salles de classe à l'Université du Burundi devraient être multipliées lors de la réunion entre les différents responsables de cette université et le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, Gaspard Banyankimbona. Le doyen de la Faculté des sciences, David Nahimana, précise que souvent, ils doivent chercher des locaux dans d'autres facultés. Actuellement, il y a des problèmes de locaux. Aujourd'hui, nous sommes appelés à chercher des locaux dans d'autres facultés, comme à la FABI. Et maintenant, il y a des possibilités d'aller même à Kiriri pour chercher des locaux. Il faudrait multiplier les efforts dans le cadre de d'allouer à l'Université du Burundi beaucoup de locaux pour assurer les enseignements. C'est ce, le ministre Banyankimbona répond qu'actuellement, les fonds disponibles sont pour la construction des 4 salles dans le campus Nyamugerera. Et on sait qu'il y a actuellement 4 salles de classe en construction ou en perspective de construction, en tout cas au campus Nyamugerera. Je pense qu'il faut comprendre, on ne pouvait pas aller au-delà. Déjà, avec le montant alloué à ces deux projets, on peut remercier le gouvernement pour cet effort-là. Mais on estime que c'est toujours possible de rentabiliser la gestion des salles et d'exploiter de manière optimale les salles disponibles. Paul Akidmana, directeur des services académiques à l'Université de Burundi, demande la décentralisation des concours d'entrée dans certaines filières jugées d'excellence, dont la médecine et la faculté des sciences de l'ingénieur au niveau des chefs-lieux des provinces. Mon inquiétude, c'est justement de proposer que la passage de ces concours soit décentralisée au niveau des DPE. Probablement que ça pourrait en fait permettre aux candidats avec peu de moyens de se déplacer ou de passer en séjour dans des centres lointains de participer à ces concours pour des raisons d'équité. Le ministre précise que les candidats pour ces concours sont déjà nourris et logés afin de réduire les dépenses. Déjà, c'est trop lourd financièrement que de gérer 5 centres de recherche. On a tenté d'alléger avec la garantie de la prise en charge du séjour de tout ce qui nous arrive sur les centres de passation. Donc, on les nourrit et on les loge. Ça, c'est déjà quelque chose que l'on pourrait faire. Sinon, effectivement, il y en a même qui se posent des questions si on doit vraiment faire concours sur concours. Ne faudrait-il pas envisager un concours unique qui est l'examen d'État et qui suffirait finalement pour départager tous ces candidats et les orienter dans différentes filières. C'était la première réunion organisée entre les responsables de l'Université du Burundi et le ministre Gaspard Banyankimbona. Ornella Mucho, des agents enquêteurs des caféiers pour le compte de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, Stebou, en province Muyinga, réclament leur rémunération. L'enquête, disait-il, s'est déroulée depuis octobre 2019 à février 2020. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. À l'Istebou Muyinga, l'on informe que leurs préoccupations sont traitées au niveau du siège de données Zeyman. Ils sont à plus de 50 enquêteurs dans la seule province de Muyinga, ceux qui réclament un montant d'au moins 250 000 francs chacun, somme à majorer des frais de 2 mois supplémentaires prestés lors de l'enquête sur le café lancée le 15 octobre 2019. Le contrat signé avec l'Istebou stipule que l'enquête allait se clôturer fin décembre 2019. Mais il y a eu prolongation des activités pour 2 mois. Nous devrions avoir perçu la totalité de notre argent à la fin du travail, mais nous passons toute une année à attendre, lâche un des enquêteurs brandissant le contrat à la main et reconnaissant avoir perçu 50% de l'erduit comme avance. Pourquoi s'inquiéter? Chaque fois qu'ils veulent des éclaircissements, les agents de l'Istebou justifient le retard de paiement par le traitement toujours en cours des données recueillies. Argument non convaincant pour des enquêteurs arguant plutôt d'avoir travaillé pour une institution expérimentée dans l'analyse statistique des données. Côté Istebou à Muyinga, des agents indiquent seulement que le traitement du dossier est de la compétence de l'hiérarchie supérieure. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. Avant de suivre la chronique nutrition de ce dimanche, une brève sportive. Les premiers matchs comptant pour le quart de finale de la Coupe de l'Unité se sont joués ce samedi. Pour les résultats, Rukinzo de la capitale économique Bujumbura a éliminé Burundi Sport Dynamique, mais Mondo Bujumbura avec le score de 2-0 et Flambeau du Centre de Gitega s'est qualifié pour la demi-finale en battant Bujumbura City à 4-0 dans le même quart de finale. Ce dimanche, Messagen Gozé est l'invité de Aigle Noir sur la pelouse du stade Pispac complexe de Makamba et à domicile, l'Olympic Star accueille Vitalo à Muyinga. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Les fruits et légumes verts à consommer fréquemment permettent à notre organisme de se prévenir contre plusieurs maladies, dont le cancer, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, explique que les fruits contiennent de nombreuses richesses dont l'organisme a besoin, comme vitamines, sels minéraux et antioxydants. Il interpelle les gens à consommer aussi les céréales qui sont une belle source de fibres et de protéines. La chronique nutrition est signée Jean-Marie Mayonga et c'est une rediffusion. Manger des fruits et des légumes est bon pour la santé. Les fruits sont une excellente source de vitamines du groupe B, les vitamines antioxydants C et E. Jean-Paul Ouinez, chercheur nutritionniste, dit que la consommation des fruits et légumes permet à l'organisme de se prévenir contre différentes maladies. Nous devons quand même faire des fruits et aussi des légumes comme la base fondamentale de notre alimentation. Parce que les fruits et aussi les légumes frais, je dirais les légumes frais, possèdent beaucoup de vitamines, possèdent beaucoup de minéraux, possèdent beaucoup de protéines et aussi des lipides et d'autres éléments qui ne sont pas nutritifs, mais ou bien qui jouent un grand rôle à notre organisme. Par exemple, les fibres végétales contenues dans les végétaux peuvent nous éviter d'avoir excès de cholestérol dans notre sang. En fait, ça évite que le sang peut quand même absorber beaucoup de graisse. Et aussi, ça évite que beaucoup de cycles, surtout le cycle rapide, qu'il soit très rapide et qu'il peut quand même endommager notre pancréas. Et aussi, les fibres végétales est très nécessaire à notre santé pour éviter la surinfection. La recherche nutritionnelle s'est focalisée sur les effets des aliments quant à la prévention et au traitement des maladies circulatoires, des diabètes, des cancers, de l'obésité et d'autres maladies les plus fréquentes actuellement. Ce chercheur signale que les céréales ne peuvent pas être oubliées dans nos plats quotidiens car ils contiennent des protéines végétales et des micronutriments, c'est-à-dire vitamines et sels minéraux. L'ingestion des céréales complètes et des fruits secs oléagineux réduit le risque d'infarctus, au fait les maladies cardiovasculaires et aussi l'excès de cholestérol dans notre sang. Par ailleurs, la consommation excessive de viande fait augmenter le risque de souffrir des maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Ainsi, notre santé peut être touchée très directement par des éléments que nous prenons et surtout par leur quantité et par la fréquence avec laquelle nous les consommons. Au fait, ce que nous mangeons peut quand même nous occasionner beaucoup de problèmes. Il faut quand même savoir si nous devons manger tels aliments ou si nous devons quand même bannir tels aliments. Il faut quand même savoir ce que nous mangeons et ce que nous ne devons. Jean-Paul Wineza signale également que la consommation de l'eau en quantité suffisante aide dans le bon fonctionnement des reins. Et l'eau, quand même, c'est une chose très indispensable à notre santé. L'eau est le dissolvant universel de matière vivante. Notre corps est constitué d'ailleurs de 60% d'eau. Les reins ont besoin d'eau pour filtrer le sang et éliminer les toxines par les urines. L'appareil digestif aussi a besoin aussi d'eau, en fait, pour pouvoir quand même éliminer les déchets et aussi pour permettre que notre sel ne soit pas trop dile et que ça peut quand même nous éviter de la surinfection. L'eau aussi est très indispensable pour notre peau, pour garder la dureté de notre peau et aussi que notre peau soit lisse. L'eau quand même purifie notre corps et aussi ça nettoie notre estomac. En fait, ça va permettre que d'autres aliments que nous allons manger soient de bons aliments qui ne peuvent pas quand même causer beaucoup de problèmes. Il conseille à toutes les personnes de ne pas consommer les fruits qui ont été mal conservés ou les fruits qui ont été frappés par le soleil, de même que des légumes qui ne sont pas frais, car les fruits qui sont placés sous le soleil, une fois les consommés, peuvent causer des effets néfastes sur la santé. Actualité internationale. En international, au Niger, la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats du premier tour des présidentielles du 27 décembre dernier. Mohamed Bazoum du parti au pouvoir vient en tête avec 39% des voix contre 17% du candidat de l'opposition Mahamane Ousmane. Le second tour est prévu le 20 février prochain. Les détails en international avec Armel Moutore. Au Niger, selon Jeune Afrique, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a proclamé samedi matin les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives couplées du 27 décembre 2020. Mohamed Bazoum, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme au pouvoir, est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle avec plus de 39% des suffrages. L'ancien ministre de l'Intérieur affrontera lors d'un second tour, prévu le 20 février, l'opposant Mahamane Ousmane, arrivé en deuxième position avec 17% des voix. Toujours au Niger, selon la RFI, des djihadistes ont attaqué ce samedi 2 janvier deux villages nigériens non loin de la frontière malienne. Plusieurs dizaines de villageois ont été tués. Des forces spéciales ont été dépêchées dans la zone. Le bilan fait état d'au moins 70 villageois tués et une vingtaine de blessés. Des autorités régionales et des sources sécuritaires bien informées confirment les massacres dans les deux villages visés par les djihadistes. Selon le ministère de l'Intérieur, le gouvernement travaillera pour que cela ne se généralise pas. L'actualité internationale, c'est également en Centrafrique, où le scrutin présidentiel, dont les résultats ne devraient pas être connus avant le 4 janvier, replace le pays dans d'anciennes dynamiques qui semblaient révolues avec l'élection de Faustin Archange Touadéra en 2014, selon les analystes. Bangui est au calme depuis le scrutin du 27 décembre dernier, même si une vaste coupure d'électricité plonge la capitale centrafricaine dans le noir total. Plusieurs dispositifs sécuritaires sont visibles dans la capitale centrafricaine avec des patrouilles militaires dans les principales artères de la ville. Ailleurs dans le pays, les troupes rebelles continuent d'attaquer les positions de l'armée centrafricaine. Elles ont notamment repris la ville de Baboua, à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun. Des combats ont également lieu dans les villes de Grimari et de Guétoua. Armel Moutore, voilà 13h09 dans le studio de la radio Isanganiro. Se s'achève cette édition. Elle était mise en onde par Eric Adogo. À la présentation, vous étiez avec Mireille Kanyang. Juste après cette édition, vous suivez la revue de la presse en langue nationale.